France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Peut-être que l'on méprise beaucoup ceux que l'on tue, mais moins que les autres. Prix Goncourt 1933, le roman d'André Malraux, publié aux éditions Gallimard, fut adapté, pour la radio, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La condition humaine. Chiang Kai-shek, la concession internationale de Shanghai, Moscou qui ne supporterait pas que les communistes chinois sortent du Kuomintang, l'international et les actes terroristes, la dignité humaine, les trafics divers, alimentation, commerce des armes, tout cela nourrissait ce roman d'André Malraux. Faut-il tuer Chiang Kai-shek? Faut-il s'opposer à une exécution qui, pourtant, pourrait sauver la révolution? La condition humaine. Première diffusion sur la chaîne nationale, le 16 mars 1947. Vous allez entendre une production d'André Certes, le livre que vous avez aimé, La condition humaine d'André Malraux, adaptation radiophonique de Luc Decaume, avec le concours d'Alain Cuny, Kyo, Jean Villard, Chen, Marcel Errant, Clapic, Jean-Dide, Gisor, Hubert Prélier, Martial, Frédéric Serra, Ferral, Albert Gercourt, Le Pasteur, Jean Clarins, Koenig, Léon Harvel, Le Mandarin, Maurice Doléry, Vologhine, Jean-Pierre Martin, Liu, Charles Camus, Le Comte, Jean Mercury, Swen, Jacques Seignette, Pays, Marcel Pérez, L'Officier, Paul Dallet, Le Garçon. Lucienne Le Marchand sera May. Participeront aussi à cette émission mesdames Germaine Delba, Martine Audrin, Jacqueline Rambaud, Mariette Linder. Le récitant Jean Claudio, la récitante Jacqueline Morave et Harry Krimer dans le rôle de Katov. Prise de son André Papiot, assisté de Lucien Jouan, bruitage Darville, régie Gallet. Les thèmes musicaux sont du maître Louis Aubert. Mise en scène radiophonique, Ange Gilles. Luc Decaume vous parle. La condition humaine est une œuvre qui se passe de commentaires. Sa densité, son humanité extrême, sa puissance la mettent à l'abri de toute critique partisane. Elle a ce poids d'évidence profonde que prend toute expérience vécue quand elle est transfigurée par une imagination lucide et combative. Les personnages de cette vaste fresque sont tous représentatifs. Je veux dire que chacun d'eux incarne pleinement une possibilité de l'homme. En dépit de leurs noms exotiques et peu familiers aux oreilles françaises, ils ont une valeur universelle d'exemple. Et s'ils possèdent cette épaisseur, cette réalité irrécusable, c'est qu'ils sont, avant tout, des êtres engagés dans leur existence, et cela jusqu'à la mort. Aucun d'eux n'échappe à l'emprise d'une destinée qui le dépasse, mais aucun d'eux ne se dérobe. Héroïques ou misérables, ils sont tous les frères de l'homme. La condition humaine retrace un épisode de la lutte du peuple chinois pour son émancipation. Nous sommes à Shanghai au printemps de l'année 1927. La ville est aux mains du gouvernement nordiste que soutiennent encore les puissances de la réaction internationale. L'armée du général Chiang Kai-shek, partie de Canton, et composée des troupes nationalistes du Kuomintang et des troupes communistes, approche de Shanghai. Le Kuomintang représente alors un équivalent du Front populaire. Mais à l'intérieur du Kuomintang, nationalistes et communistes s'opposent sourdement pour la prise du pouvoir. Chiang Kai-shek, dont les ambitions dictatoriales flattent la bourgeoisie chinoise, inquiète, apparaît déjà comme le prochain instrument des trusts occidentaux qui veulent en faire le rempart de leurs intérêts en Extrême-Orient. À Shanghai, cependant, où l'agitation est à son comble, les sections communistes préparent une insurrection armée. Celle-ci doit se déclencher au moment où les troupes de Chiang Kai-shek arriveront aux portes de la ville. Kyo, le personnage central du roman, est l'organisateur des sections communistes de combat. Le drame se joue en deux journées, l'insurrection du 27 mars et la répression du 11 avril. Et maintenant, voici la condition humaine. 27 mars 1927, 1h du matin. Finissons-en. Tu as des disques, Lou ? Les voici. Les deux follows sont remontés, on peut voir si ça marche. Ça marchera. Il suffit de les mettre en mouvement bien en même temps. Oh, c'est épatant, système. Qui pourrait se douter que ces disques d'enseignement cachent un message ? Vois-tu, Katov ? Les étiquettes sont parfaitement imitées. Rien s'y tenter. Bon. Mets le premier disque. Troisième leçon. Courir, marcher, aller, venir, envoyer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 100. J'ai vu courir deux hommes. Recommençons les deux ensemble maintenant. Envoyez. Est bien réglé. On doit toujours venir chercher les disques cette nuit ? Les bateaux partiront demain au jour pour Ankeu. Au jour. Que de choses avant le jour. Attention, quelqu'un, il me semble. Bloquez les disques. Ça doit être Chen. Sylvie, tu peux ouvrir, Lou. J'espère qu'il a réussi. Ah. Alors ? Ça y est. T'as le papier ? Donne. Je n'aurais jamais cru que ce fût si dur. Oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Les armes ne sont pas payées. Ils ont inscrit sur le contrat, payable à la livraison. Non. Si, rien d'autre dans le portefeuille de l'intermédiaire ? Rien de bon. Des photos, des reçus, des... On peut s'arranger avec des hommes des sections de combat, je pense. Il nous faut ces armes. Tu sais, Kyo, faut que nous puissions monter à bord du bateau, ça ira. Quand le couteau est entré dans le corps de cet homme... Ça a bien marché, Chen. Il est mort. Quand le couteau est entré... Non, je ne peux pas t'expliquer. Quoi ? Rien. À quelle heure es-tu sorti de l'hôtel ? Il y a 20 minutes. Bien. Finissons ici et filons. Je vais voir ton père, Kyo. Tu sais que ce sera sans doute pour demain. Tant mieux. Tant mieux. Quand même, je veux voir ton père. Vas-y cette nuit, le vieux Gisor ne dort jamais avant l'aube. Tu crois qu'il te comprendra, lui ? Peut-être. Mmh. Adieu. Ça n'a pas dû aller tout seul. Ça ne va jamais tout seul. Bon. Il faut des volontaires pour les armes. Katov et moi, ça ira. Passons chercher des types. Nous saurons en passant si nous attaquons demain ou non. Ils peuvent dégoter le cadavre à l'hôtel, vois-tu bien. Pas avant l'aube. Chen a fermé la porte à clé. L'intermédiaire avait peut-être pris un rendez-vous. À cette heure-ci, peu probable. L'essentiel maintenant est de faire changer l'ancrage du bateau. Si les types du gouvernement essaient de l'atteindre... Ils perdront au moins 3 heures avant de le trouver. Le bateau est à la limite du port. Où veux-tu le faire passer ? Dans le port même. Il y a des centaines de bateaux, 3 heures perdues au moins. Le capitaine se méfiera. Je connais un spécialiste des affaires d'armes. Avec lui, le capitaine aura confiance. Je pense que nous sommes d'accord. Nous nous servons du papier pour monter à bord et nous nous arrangeons après. Allez, route ! Où crois-tu que sont allés Chen ? Dormir ? Je sais pas. Voir les femmes, peut-être. Il se saoule pas. Je l'ai bien regardé. Il avait l'air d'un homme qui vient de fournir un immense effort. Tu as vu ses yeux ? C'est pas drôle de tuer un homme comme ça, calmement. Un homme qui dort. Nous y voilà. Bonsoir. Alors ? Les cheminots ont décrété la grève. Mais les gardes blancs et les soldats de l'armée gouvernementale contraignent ceux qu'ils saisissent à conduire les trains militaires sous peine de mort. Ces trains transportent des renforts de Nankin pour défendre Shanghai contre les révolutionnaires. C'est tout ? Non. Un des cheminots arrêtés a fait dérailler le train qu'il conduisait. Mort. Trois autres trains militaires ont déraillé hier. Rails enlevés. Bon. Voici les ordres. Faire généraliser le sabotage et noter sur les mêmes rapports le moyen de réparer les voies dans le plus bref délai pour nous. Nous en aurons besoin. Pour tout acte de sabotage, les gardes blancs fusillent. Le comité le sait, nous fusillerons aussi. Autre chose. Pas de train d'armes? Non. Changcheu est la dernière gare avant Shanghai. Quand les nôtres comptent-ils y être? Ce n'est pas encore les nouvelles de minuit. Le délégué du syndicat pense cette nuit ou demain. Donc, l'insurrection pour demain ou après-demain. Il faut attendre les informations du comité central. Tu viens, Katov? Allons. J'ai soif. Où vas-tu? Voir mon titre pour les armes. Yes. Clapic. Le baron? Pas confiance. Je sais. Mais il n'y a que lui pour arranger ça. À tout à l'heure. Je prends un taxi. Arrange-toi avec les sections. Et t'en fais pas. Je prendrai 12 hommes. Chauffeur au Black Cat. Hantez la pointe, cher ami, on les habillera. Hantez la pointe. Mais parfaitement, parfaitement, cher ami. Chiang Kai-shek entrera ici avec six révolutionnaires, écrira en style classique, vous dis-je. Classique. Ainsi que lorsqu'on prend les villes. Qu'on habille en talapoint ses négociants, en léopard ses militaires, semblables aux derniers princes de la dynastie Liang, parfaitement monbons, montons sur les jonques impériales. Contemplons nos sujets vêtus pour nous distraire, chacun de la couleur de sa profession. Bleu, rouge, vert, avec des nattes et des pompons. Non, pas un mot, cher ami, pas un mot, vous dis-je. La seule musique permise sera celle du chapeau chinois. Et vous, que ferez-vous là-dedans? Oh, mais comment, mon cher ami, mais vous ne devinez pas. Mais je serai astrologue de la cour. Je mourrai en allant cueillir la lune dans un étang un soir que je serai chaud. Comme le poète Toufou, dont les œuvres enchantent certainement, non pas un mot, j'en suis sûr, vos journées inoccupées. Le malheur, cher ami, c'est qu'il n'y a plus de fantaisie. C'est vrai. De temps en temps, un ministre européen envoie à sa femme un petit colis postal, elle l'ouvre, non pas un mot, c'est la tête de son amant. On en parle encore 3 ans après. Mais lamentable, cher ami, lamentable. Regardez ma tête. Voilà où mène 20 ans de fantaisie héréditaire. Hein. Oh, pas un mot. Et garçon, monsieur. Garçon du champagne pour ces deux dames. Et pour moi, un petit martini. Hein. Très sec. Une table, monsieur? Oui, mettez-moi là. Pas trop loin de ce monsieur, un de mes amis. Bref, il avait un château en Hongrie du Nord. Vous êtes hongrois? Ah, point, ben, je suis français. Eh ben, je m'en fous d'ailleurs, cher ami. Oh, et éperdument. Mais ma mère était hongroise. Et donc, mon petit grand-père habitait un château par là, avec de très grandes salles. Oui, oh, très, très, très, très, très grandes. Des confrères morts dessous, des sapins autour, et beaucoup de sapins. Veuf. Il vivait seul avec un gigantesque corps de chasse. Mon arrière-grand-père avait aussi de belles terres. Nous sommes partis à cause des communistes, n'est-ce pas? Pour ne pas être avec tout le monde, pour être respectés. Ici, dans cette boîte, nous sommes 2 par table, 4 par chambre. Et il faut payer le loyer. Respectés. Pas d'argent, mais tenez, mon petit, tenez, voici quelques monnaies. Hein, mais pas un mot, un petit cadeau pour vous. Ah bien. Où allons-nous? Ah non, ce soir, je vous ennuierai. Merci. Quand même... Si ça vous fait plaisir. Non, ça me fera plus de plaisir un jour que je n'aurai plus d'argent. Et ça ne tardera pas. Bonsoir. Bonsoir. Baron Clapic, sortons ensemble, voulez-vous? Comment, Kyo? Vous ici, mais Skinoui, mais... Venez. Non, mais vous vous débauchez, jeune homme. Ça va. Il y a dans le port un vapeur chargé d'armes. Le Shanting. Il y a une proposition du gouvernement à $30 par fusil. Moi, j'ai acheteur à $35. plus trois de commission pour vous. Livraison immédiate dans le port, où le capitaine voudra, mais dans le port. Qu'il quitte son ancrage tout de suite, on prendra livraison cette nuit avec l'argent. D'accord avec son délégué, voici le contrat. Eh ben, ça va, ça va. Vous me laissez le contrat? Oui. Vous connaissez le capitaine? Ah, mon bon, il y en a que je connais mieux, mais enfin, je le connais. Il pourrait se méfier. Le gouvernement peut faire saisir les armes. Non, point. Ces objets sont envoyés par un fournisseur régulier. Non, je le connais. C'est un traître. Un véritable traître. Papa, c'est un mois, je vais m'occuper de ça. Vous me préviendrez chez moi dès que ce sera fini? Entendu. Dans une heure? Plus tard, je pense, mais dès que je pourrai. Ah, tout ça n'est pas drôle. Qu'est-ce que c'est? C'est Q. Salut. Alors, Katov, toi, les hommes? Ils sont là pendant deux heures. Bon, plus de temps à perdre. Demain? Demain, à une heure. Officiel? Oui. L'armée est à Chengcheou. Grève générale à midi. Clapic. Va donc faire venir le bateau dans le port. Prenons la vedette avec tes douze types. Ah, ça serait mieux sans toi. C'est pas très dangereux, mais pas non plus de tourpeau. C'est pas le moment de te faire descendre. Toi non plus? C'est pas la même chose. Moi, on peut me remplacer. J'aimerais mieux que tu t'occupes du camion qui attendra et de la distribution des armes. Bien. Je vais chercher des uniformes de flics pour les hommes et nous. Où veux-tu que je te fasse prendre quand tout sera prêt? Chez moi. Je vais retrouver May. Elle sait que c'est pour demain? Pas encore, je pense. Et tu as envie de la voir maintenant? C'est ma femme. Tu comprends? Ma femme. Bonsoir, ma chérie. C'est bien pour tout à l'heure, Kyo? Oui. Quoi de nouveau à l'hôpital clandestin? Ce soir, une trentaine de jeunes femmes de la propagande échappées aux troupes blanches, blessées. Il en arrive de plus en plus. Elles disent que l'armée est tout près et qu'il y a beaucoup de tués. Et la moitié des blessés mourront. La souffrance ne peut avoir de sens que lorsqu'elle ne mène pas à la mort. Et elle y mène presque toujours. Oui. Et pourtant, c'est peut-être une idée masculine. Pour moi, pour une femme, la souffrance, c'est étrange. C'est plus penser à la vie qu'à la mort. À cause des accouchements, peut-être. Plus il y a de blessés, plus l'insurrection est proche. Plus on fait l'amour. Bien entendu. Il faut que je te dise quelque chose qui va peut-être un peu t'embêter. J'ai fini par coucher avec Langlaine cet après-midi. Ça te regarde. Ça te fait de la peine? Je t'ai dit que tu étais libre. N'en demande pas trop. Enfin, je devais te le dire. Même pour moi. Oui. Tu as vu l'arbre? Tout épanoui. Il a caché ses feuilles dans son tronc pendant le jour. Il les sort cette nuit quand on ne le voit pas. Oh, le printemps. Tu aurais pu choisir un autre jour. Mais Kyo, c'est justement aujourd'hui que ça n'avait pas d'importance. Et il en avait si envie. Moi aussi, demain, je peux mourir. Tu m'as demandé un jour si je croyais que je pourrais venir au bagne avec toi. Et je t'ai répondu que je n'en savais rien. Que le difficile était sans doute d'y rester. Ce sont toujours les mêmes qui vont au bagne. Ce n'est pas pour quelqu'un qu'on va au bagne, mais pour l'idée qu'on a de la vie, de soi-même. Kyo, comme ce sont des idées d'hommes. Et pourtant, aimer ceux qui sont capables de faire cela, être aimé d'eux peut-être, qu'attendre de plus de l'amour? Il y a des appels du désir, surtout quand on est si près de la mort, qui n'ont rien à voir avec l'amour. La mort. C'est pas 14, n'est-ce pas? Non, trop tôt pour lui. Donne-moi le revolver. Ah, c'est vous, Clapic? Avant tout que je vous montre votre document. Tout va bien. Le bateau sera ancré à la hauteur du consulat de France. Difficulté? Oh, pas un mot. Vieille confiance. Sinon, comment ferait-on? En ces affaires, jeune homme, la confiance est d'autant plus grande qu'elle a moins lieu de l'être. Voici votre commission, le Contillé. La bonté porte bonheur. Mon bon, l'histoire de Manu est une remarquable histoire morale. Elle a commencé par l'aumône et s'achève par la fortune. On ne veut pas un mot, hein. Polichinelle vous salue. Polichinelle, pauvre type. Pourquoi pauvre type? Tout homme ressemble à sa douleur. Qu'est-ce qu'il fait souffrir? Mon père m'a dit, il boit. Mais il était fait pour l'opium. On se trompe aussi de vice. Sa mythomanie n'est qu'une façon de nier la vie, sans l'oublier. Nous aussi, Kyo, nous cherchons. Chut! Voilà Katov. Adieu, mais... Le jour n'est pas encore levé, mais pour nous, c'est déjà le jour qui commence. Assieds-toi, Chen. Mon fils Kyo m'a fait dire que tu voulais me voir. Oui. Mon cœur est heureux que tu sois venu. C'est moi qui ai tué Tang Yingta. C'est de cela que tu voulais me parler? Oui. Kyo le sait? Oui. C'était pour notre cause. Il nous fallait le contrat pour les armes. Je suis extraordinairement seul. Seul? Mais les autres? Ils ne savent pas. Que c'est toi? Cela, ils le savent. Aucune importance. Que c'est la première fois. Non, vous ne comprenez pas. Vous n'avez jamais tué personne, n'est-ce pas, Gisor? Tu le sais bien. Peut-être est-ce que... Je ne crois pas qu'il suffise du souvenir d'un meurtre pour te bouleverser ainsi. Non, je ne crois pas, moi non plus, que le souvenir suffise. Je voudrais savoir ce qu'il y a. La première femme avec qui tu as couché était une prostituée, naturellement. Je suis chinois. Qu'as-tu éprouvé après? De l'orgueil. D'être un homme? De ne pas être une femme. Vous pensez que j'ai dû me sentir séparé? Oui, terriblement. Et vous avez raison de parler des femmes. Peut-être méprise-t-on beaucoup celui qu'on tue, mais moins que les autres. Que ceux qui ne tuent pas. Que ceux qui ne tuent pas. Les puceaux. Tu Tu n'as pas eu horreur du sang? Si, mais pas seulement horreur. Tu penses que tu n'en sortiras plus? Et c'est contre cette angoisse-là que tu viens te défendre auprès de moi? Une angoisse, non. Une fatalité. Alors il faut la penser et la pousser à l'extrême. Et si tu veux vivre avec elle... Je serai bientôt tué. Oh. Ambitieux et lucide. Si tu veux vivre avec cette fatalité, il n'y a qu'une ressource. C'est de la transmettre. Qui en serait digne? Il y a tes camarades. Non? Vous êtes très bon pour moi. Vous êtes comme un père. Mais vous ne pouvez plus rien. Je le sens. Vous êtes très loin de moi. Et Kyo est mon fils alors. Est-ce que je ne pourrai rien pour lui non plus à cette profondeur? J'aurais tant voulu... Merci. Je suis indigne. Je suis très indigne. Permettez-moi de me retirer. Adieu, Chen. Le vieux Gisor se leva, ouvrit le tiroir de la table basse où il rangeait son plateau à opium. Il éteignit l'électricité, s'étendit, alluma la lampe. Deux pipes, cinq boulettes. Il gratta le fourneau de sa pipe. L'ombre de sa main fila du mur au plafond. Les objets cessaient d'être distincts de lui, le rejoignaient au fond d'un monde familier où une bienveillante indifférence mêlait toutes choses. Formes, souvenirs, idées, tout plongeait lentement vers un univers délivré. Un après-midi de septembre. Le gris parfait du ciel rendait laiteuse l'eau d'un lac. Depuis les cornes vermoulues d'un pavillon abandonné, jusqu'à l'horizon magnifique et morne, ne lui parvenait plus qu'un monde pénétré d'une mélancolie solennelle. Des paysans qui recueillaient les graines de nénuphar passaient en barque, sans le moindre son. Près des dernières fleurs, deux longs plis d'eau naquirent du gouvernail, allèrent se perdre dans l'eau grise, avec une extrême nonchalance. Les yeux fermés, portés par de grandes ailes immobiles, Gisor contemplait sa solitude. Une désolation qui rejoignait le divin, en même temps que s'élargissait jusqu'à l'infini, ce sillage de sérénité qui recouvrait doucement les profondeurs de la mort. Mars 1927, 11h du matin. La grève générale est sur le point de se déclencher à Shanghai. Le long du quai, des milliers d'ouvriers de filature, debout, accroupis, couchés sur le trottoir. Au-dessus de leur tête, des oriflammes verticaux proclament... Plus que 12 heures de travail par jour. Plus de travail des enfants au-dessous de 8 ans. Du travail et du pain pour tous. Plus loin, un groupe de femmes, chétives et sombres, rassemblées sous une bannière. Droit de s'asseoir pour les ouvrières. L'arsenal est vide. Le long du fleuve, accroupis, des milliers de mariniers en loques bleues. La foule des manifestants se perd jusqu'au fond des rues perpendiculaires. S'accroche aux appontements, cache la limite de l'eau. Dans la ville, crevant de toutes parts, la foule chinoise hétéroclite, multicolore, lamentable, remontant avec obstination vers le refuge de la concession internationale. Mais la rumeur sourde, hérissée de klaxons et d'appels, ne pénètre pas dans les vastes bureaux calfeutrés de la police française de Shanghai. C'est tout, monsieur le chef. Travaillez aussi à désorganiser le syndicat. Et faites-moi le plaisir d'en finir avec ce travail d'andouille. Vous mériteriez qu'on vous foute à la porte. La moitié de vos hommes crèvent de complicité. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit qu'on me foute la paix. Monsieur le président de la Chambre de commerce française est là. Ah, bien, faites entrer. Tous les agents qui traficotent avec le Kuomintang, foutez-les-moi à la porte. Et que je n'ai pas à vous le redire. Et tâchez de comprendre au lieu de me regarder dans les idiots. Monsieur le... Réglez, entendu, classé. Allez, foutez-moi le camp. Et plus vite que ça. Bonjour, monsieur Ferral. Bonjour, Martial. Alors, pour garder la voie ferrée, le gouvernement est obligé d'immobiliser des milliers d'hommes. On ne tient pas contre un pays tout entier, vous savez, à moins de disposer d'une police comme la nôtre. La seule chose sur quoi le gouvernement puisse compter, c'est le train blindé avec ses instructeurs blancs. Ça, c'est sérieux. Oui, une minorité comporte encore une majorité d'imbéciles. En face, quoi? Tout dépend du front. Ici, ils vont essayer de se révolter. Il va peut-être leur en cuire, car ils sont à peine armés. Si Shanghai tombe aux mains des armées révolutionnaires, le Kuomintang devra choisir entre le communisme et la démocratie. Les démocraties sont toujours le bon client. Par contre, la ville soviétisée, le consortium franco-asiatique, s'écroule. Oui, il faut empêcher que la ville soit prise avant l'arrivée de l'armée de Chiang Kai-shek. Que les communistes ne puissent rien entreprendre seuls. Oui, facile à dire. Hein? Évidemment. Et du côté de Hankeu? Nous avons reçu des informations cette nuit. Il y a là 22 000 sans travail. De quoi faire une nouvelle armée rouge. Quels sont les rapports actuels des communistes avec Chiang Kai-shek? J'ai ici le dernier discours du général. Moi, vous savez, je ne crois guère au discours. Mais j'y crois. À ceci du moins. D'ailleurs, peu importe. Et que dit Chiang Kai-shek? Voici le discours, monsieur Ferral. Voulez-vous le lire? Non, plus tard. Pour l'instant, résumé. Le général parle des dépenses d'argent. Oui, la question d'argent serait résolue par la paix de Shanghai. Les douanes donneraient à Chang ce qu'il faut pour combler le déficit de l'armée. Oui, mais on dit que Moscou a donné aux commissaires politiques l'ordre de faire battre leurs propres troupes devant Shanghai. Pourquoi ces ordres? Faire battre Chiang Kai-shek, détruire un prestige, et le remplacer par un général communiste à qui reviendrait l'honneur de la prise de Shanghai. Il est presque certain que la campagne contre Shanghai a été entreprise sans l'assentiment du comité central de Hankeu. Les mêmes informateurs affirment que l'état-major rouge proteste contre ce système. Et que dit encore Chiang Kai-shek? Ah, il s'élève contre l'ingérence excessive des communistes dans le comité central du Kuomintang. Il s'opposera à leurs prétentions exagérées. Ce général pourrait devenir demain un homme très intéressant. Il remplacerait avantageusement le présent gouvernement. Alors, rien d'autre? Rien, monsieur Ferral. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est? L'armée révolutionnaire, déjà? Ah, je ne crois pas. Allô, oui, j'écoute. Bon. Monsieur Ferral, ce coup de canon était celui de midi. La grève générale commence. Une heure après-midi. C'est le moment. Vérifiez vos armes. Aujourd'hui, vous allez à la conquête de votre pain et de votre dignité. Pensez-y avant de mourir. Pourquoi parler, camarade Chen? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Ça commence. Allons-y! Cavaliers! Laissez-les! Trop fort pour nous! Tous au poste central du quartier! Nous y voilà! Halte! Les armes doivent se trouver au râtelier du rez-de-chaussée, dans la pièce de droite, le corps de garde. Préparez vos grenades. S'ils résistent trop, lancez vos grenades par les fenêtres ouvertes. Allez, en avant! Où en sont les autres sections? Presque tous les postes sont pris. Le principal, par surprise, à 1h30. Nous avons saisi là 800 fusils. Nous pouvons envoyer des renforts contre ceux qui résistent. Nous bloquons déjà les casernes, la gare du Sud, l'arsenal. Mais il faut en finir ici. Nous avons besoin du plus d'hommes possible pour l'assaut. Et il restera le train blindé. Allô? Allô, oui, c'est Ferral. Vous dites? Bon. Messieurs, la garde du Sud est tombée. Messieurs, il est 5 heures. Tâchons de nous entendre, monsieur Mine. Moi, vous comprenez, je représente ici quoi? Les intérêts français? Ah, mais laissez parler, monsieur Mine, Martial. Mais quel appui puis-je promettre? Monsieur le consul général lui-même me dit d'attendre de vous les précisions. Parce que vous connaissez très bien notre pays et ses hommes. Vous êtes l'envoyé de Chiang Kai-shek, n'est-ce pas, monsieur Mine? Alors, il me semble que... Allô? Le conseil municipal est tombé. Mais si des individus dangereux pour la paix et la civilisation se réfugient comme toujours sur la concession, la police internationale nous a promis toute sa bienveillance. Mais que fera la police française? On s'arrangera. Je vous remercie au nom du Kuomintang. Les communistes sont fort traîtres et nous trahissent, nous, leurs fidèles alliés. Il a été entendu que nous collaborerions ensemble et que la question sociale serait posée quand la Chine serait unifiée. Et déjà, ils la posent. Ils ne respectent pas notre contrat. Ils ne veulent pas faire la Chine, mais les Soviets. Les morts de l'armée ne sont pas morts pour les Soviets, mais pour la Chine. Allô? Ah, les casernes sont bloquées, les renforts du gouvernement n'arrivent plus. La garde du Nord? Pas prise encore, monsieur Ferral. Donc le gouvernement peut encore amener des troupes du front? Peut-être, monsieur. Ces troupes et ces tanks se replient sur Nankin. Il peut en envoyer ici. Le train blindé peut encore combattre sérieusement. Mais tout ce qui est pris est organisé au fur et à mesure. Il y a un comité d'insurrection qui dirige tout. La police entière est désarmée maintenant. Oh, les Chinois ont un grand sens de l'organisation. Comment Chiang Kai-shek est-il protégé? Son auto est toujours précédé de celle de sa garde personnelle. Ah, ça ne suffit pas, il faut arranger ça. Le plus tôt sera le mieux. Maintenant, je dois filer. Au revoir, monsieur, au revoir. Donc, monsieur Ferral, nous pouvons dès maintenant compter sur vous. Vous connaissez Liu Tihum? Le chef de l'association des banquiers chinois de Shanghai est un homme puissant. Eh bien, Liu Tihum attend. Je vais le voir à l'instant, j'obtiendrai son appui. À bientôt. Je suis très honoré, monsieur Ferral. Vous êtes résolu à en finir avec les communistes, n'est-ce pas, monsieur Liu Tihum? Eh bien, nous aussi, de toute évidence. Chiang Kai-shek est prêt à la rupture. Vous ne répondez rien? Je vous écoute, monsieur Ferral. Mais il faut aider Chiang Kai-shek. C'est pour vous une question de vie ou de mort. À l'arrière de l'armée, dans les campagnes, les communistes commencent à organiser des unions paysannes. Le premier décret des unions sera la dépossession des prêteurs. L'énorme majorité de vos capitaux est dans les campagnes. Le plus clair des dépôts de vos banques est garanti par les terres. Les soviets paysans... Non, les communistes n'oseront pas faire de soviets en Chine. Oh, ne jouons pas sur les mots, monsieur Liu. Union ou soviet, les organisations communistes vont nationaliser la terre et déclarer des créances illégales. Chiang Kai-shek est prêt à s'y opposer. Lui seul peut faire quelque chose. Mais il faut l'aider. Il a besoin d'argent. Arsenal est bloqué. Tous les établissements gouvernementaux sont pris. L'armée révolutionnaire sera à Shanghai demain. Il faut que la question soit résolue maintenant. Combien? 50 millions de dollars. Pour notre seule part? Oui. Je vais réunir mes amis. Allô? Le train blindé est isolé, monsieur Liu. Le gouvernement ne peut plus rien. 50 millions, dites-vous? Oui. Au revoir. Le lendemain, 4 heures après midi. Voilà plus d'une heure que le train ne tire plus. Qu'espère-t-il? Je ne crois pas qu'ils aient encore beaucoup de munitions. Dès que nos propres canons seront là, le comité central de Shanghai vient d'élire son comité exécutif chargé d'organiser le gouvernement municipal. Je sais. Nous ne sommes pas en majorité dans ce comité. Tout va dépendre du préfet de Shanghai. S'il est des nôtres, peu importe la majorité du comité. S'il est de droite... Il est 4 heures, on peut savoir. Allô? Allô, le comité? Ici Chen. Alors, le préfet. Il est de droite. Que faire? Étendre d'abord la révolution et ensuite l'approfondir, nous serons volés. J'ai vu des courriers du front, tout mouvement ouvrier est interdit à l'arrière. Ah, voici Katov. Salut. Assieds-toi, tu n'es pas trop. Avant 15 jours, le gouvernement Kuomintang interdira nos sections d'assaut. Leur but, désarmer la garde ouvrière. Nous aurons la police, le comité, le préfet, l'armée et les armes. Et nous aurons fait l'insurrection pour ça. Nous devons quitter le Kuomintang, isoler le parti communiste. Et si possible, lui donner le pouvoir. Il faut penser sérieusement au prolétariat dans tout ça. Oui, mais assez. D'abord, il faut tuer Chiang Kai-shek. C'est du futur. Présentement, on tue des nôtres. Oui. Pourtant, il faut faire attention. Le mot d'ordre actuel est bon. Étendre la révolution et ensuite l'approfondir. Aucune situation ne peut nous contraindre à donner nos armes aux bleus. Aucune. Le camarade Kyo. Qu'est-ce que c'est? L'armée sera ici dans une demi-heure. Nous manquons d'armes. Combien pouvez-vous nous en remettre? Les milices ouvrières doivent rester armées. Mais ma demande est faite d'accord avec le gouvernement de Hong Kong. Même si l'ordre est donné... Ça va, Chen! Bien, on vous donnera des armes. Mais les hommes sont encore en ligne. L'artillerie sera là bientôt. Nous en finirons avec ce train blindé nous-mêmes. Combien pouvez-vous remettre des armes aux troupes demain soir? Je doute qu'il soit possible de récupérer plus de la moitié des armes. Mais pourquoi? Tous n'accepteront pas de remettre les leurs. Même sur l'ordre de Hong Kong? Même sur l'ordre de Moscou. Très bien. Voyez ce que vous pouvez faire. J'enverrai quelqu'un vers 7 heures. Salut. Es-tu d'avis de remettre les armes, Katov? J'essaye de comprendre. Que veut l'international? Se servir de l'armée du Kuomintang pour unifier la Chine. Il faut tuer Chiang Kai-shek, tout de suite. Chiang Kai-shek ne nous laissera jamais poursuivre nos propagandes communistes. Il ne peut se maintenir ici qu'en s'appuyant sur la bourgeoisie. Tout ça, c'est parler pour ne rien dire. Fous-nous la paix, Chen. Tu penses pas que tu vas essayer de tuer Chiang Kai-shek sans l'accord du comité central, ou du moins du délégué de l'international en Kéo? Kéo. Tu vas aller à Hong Kong. Bien entendu. Tu es Chiang Kai-shek et la seule chose à faire, l'essentiel, préviens-les. Tu attendras de connaître leur avis. Bon. Qu'est-ce que c'est, ces cris? Serait-ce des renforts pour le train blindé? Je ne le pense pas, mais... L'armée, ce sont les nôtres. On les a prévenus que le train blindé est ici. Ceux du train doivent t'entendre aussi. Oui, ils savent maintenant qu'ils sont perdus. Le train tire. C'est l'agonie. Tous ces hommes prisonniers de leur blindage... Et des rails. Et qui vont mourir. Artillerie de l'armée révolutionnaire. C'est la fin. Derrière chaque blindage, un homme du train écoutait ce bruit, comme la voix même de la mort. Mars, le soir. En Kéou, les bâtiments de la délégation de l'international communiste, le bureau du secrétaire de la section chargée de Shanghai. La nuit tombe. Dans la haute fenêtre ouverte apparaissent les premières étoiles. Nous faisons fausse route à Shanghai, camarade Vologhin. Encore? D'abord, que se passe-t-il ici? Continue. En quoi faisons-nous fausse route à Shanghai? Mais pourquoi? Pourquoi les manufactures ne travaillent-elles pas ici? Attends. Quel camarade proteste? Ceux des groupes de combat, les terroristes aussi. Terroristes, on s'en fout. Les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Sortir du Kuomintang. Organiser un parti communiste indépendant. Et surtout ne pas rendre les armes. Surtout. Toujours la même chose. Je vais te dire. Suppose que nous sortions du Kuomintang. Que faisons-nous? D'abord une milice. Pour chaque union de travail, pour chaque syndicat. Avec quelles armes? Ici, l'arsenal est entre les mains des généraux. Chiang Kai-shek tient celui de Shanghai. Nous sommes coupés de la Mongolie. Donc, pas d'armes russes. Quelles sont les instructions actuelles? Renforcer le noyau communiste de l'armée de fer. Gagner du temps est l'essentiel. C'est pourquoi il faut vous arranger à Shanghai avec Chiang Kai-shek. S'il n'y a pas moyen, rendez les armes. S'il s'agit de ruser, avant tout, ne rendez pas les armes. Les rendre, c'est livrer les copains à la prochaine répression. Rompre, c'est la défaite certaine. Moscou ne tolérera pas que nous sortions du Kuomintang maintenant. Autre chose, peut-être la même. Chang Tae de Shanghai veut exécuter Chang. Ah, c'est pour ça. Quoi? Il a fait passer un mot pour demander à me voir quand tu serais là. Il est ici? Oui. Allô? Faites entrer Chen Tahel. Ça allait plus mal à Leningrad, quand Yudenich était devant la ville. On s'en est tiré tout de même. Tu peux entrer, camarade. Kyo t'a dit? Tu sais ce que l'international pense des actes terroristes. Je ne vais donc pas te faire un discours là-dessus. Le cas présent est particulier. Vous opposez-vous à cette exécution, oui ou non? L'international n'a pas à approuver ce projet. Mais enfin, le moment est-il bien choisi? Vous préférez attendre que Chang ait fait assassiner les nôtres? Même si j'étais coulis du port de Shanghai, je penserais que l'obéissance au parti est la seule attitude logique d'un militant communiste. Et que toutes les armes doivent être rendues. Ce n'est pas par obéissance qu'on se fait tuer, ni qu'on tue, sauf les lâches. Je proposerai à la première réunion du comité central le partage immédiat des terres, la destruction des créances. Le comité ne les votera pas. Tant pis. Adieu, Vologin. Tu viens, Chen? Allons. Rêves-tu beaucoup? Non, je ne crois pas. Je rêve presque chaque nuit. Il n'y a rien de plus terrible que les rêves. Plus terrible que n'importe quelle chose vraie? Je n'ai pas une gueule à avoir des remords. Dans le meurtre, le difficile n'est pas de tuer, c'est de ne pas déchoir. D'être plus fort que ce qui se passe en soi à ce moment-là. Il y a longtemps que ça dure? Aussi loin que je remonte. Je déteste me souvenir en général. Et ça ne m'arrive pas. Ma vie n'est pas dans le passé, elle est devant moi. La seule chose dont j'ai peur, c'est de m'endormir. Et je m'endors tous les jours. Tu vas tuer Chang, n'est-ce pas? Oui. Tu y penses avec inquiétude? Non. Non. Avec... Je cherche un mot plus fort que joie. Il n'y a pas de mot. Un apaisement total. Une sorte de... Ah, je ne sais pas. Il n'y a qu'une chose qui soit encore plus profonde, plus loin de l'homme, plus près de... Tu connais l'opium? Guerre. Alors, je peux mal t'expliquer. Plus près de ce que vous appelez extase. Oui. Mais épais, profond. Pas léger. Une extase vers le bas. Et c'est une idée qui te donne ça? Oui. Ma propre mort. Avril, midi et demi, dans un petit bar de Shanghai. Remettez-moi ça, jeune homme. Votre petit cocktail était charmant. J'ai dit charmant, non, pas un mot. Ah, voici mon parfait ami, le comte Chipilis. Étoile policière, bravo, bravo, bravo, pas une minute de retard. Cher ami, je vous salue. Le garçon, la même chose. Ce petit village ensoleillé voit-il prospérer vos affaires, mon bon? Guère. Mais elles iront bien à la fin du mois. Je place des comestibles chez les Européens seulement, naturellement. La question, voyez-vous, mon cher ami, serait naturellement de trouver une vingtaine de mille francs. Avec cette somme, on peut se faire une place très honorable dans l'alimentation. Dans mes bras, mon bon. Vous voulez une petite place. Non, une place honorable dans l'alimentation. Bravo, bravo, bravo, bravo. Je ne vous savais pas tant de choses, enfin, de préjugés. Moi, mais j'en suis plein. Criblé, j'en éclate. C'est une histoire vraie. Et de plus morale. Mais disais-je, si vous comptez sur moi pour trouver les 20 000 balles, folie, folie, folie, vous dis-je. Oh, je vous en parle. Mais j'aurais dû au moins attendre. Enfin, je voulais seulement vous rendre service quand je vous ai prié de venir m'offrir cet alcool. Voici. Quittez Shanghai demain. Parce que... Parce que ma police, comme vous dites, a du bon. Allez-vous-en. Et il faudrait que je file demain. Au plus tard. Oui. Mais vous ne partirez pas, je le vois. Enfin, du moins, vous aurais-je prévenu. Allez, partez. Il y a une histoire de bateaux et d'armes. Mais je suis pour rien. Partez. Pouvez-vous me dire si le père Gisor est visé? Je ne crois pas. Le petit Gisor, plutôt. Je regrette vivement de n'avoir pas ces argents pour vous payer vos épiceries, mon bon. Vous me sauvez peut-être, mais j'ai encore quelques épaves. Enfin, deux ou trois statues. Eh bien, prenez-les. Non. Et pourquoi? Non, pas un mot, soit. J'aimerais pourtant savoir pourquoi vous ne voulez pas prendre mes statues. Quand on a vécu comme moi, comment pourrait-on faire ce métier, si on ne compensait pas quelquefois? Mais je doute qu'il existe beaucoup de métiers qui n'obligent pas à compenser. Oui. Alors, mon cher, je vous laisse. Au revoir, cher ami. Il faut que je prévienne le jeune Kyo. Il faut que je le prévienne. Il y a bien longtemps que nous sommes rencontrés, Chen. Voulez-vous que nous fassions route ensemble? Si vous voulez, Pasteur Smithson. Je goûte l'ironie de cette rencontre. Que voulez-vous dire? Rien. Vous souffrez, Chen? Non. Vous avez oublié votre ancien maître, pourtant. Je n'ai pas oublié. Je prie pour vous chaque jour. Qu'avez-vous trouvé à la place de la foi que vous avez quittée? Je ne suis pas de ceux dont s'occupe le bonheur. Il n'y a pas que le bonheur, Chen. Il y a la paix. Non. Non, pas pour moi. Pour tous. Je ne cherche pas la paix. Je cherche le contraire. Prenez garde à l'orgueil. Qui vous dit que je n'ai pas trouvé ma foi? Et quelle foi politique rendra compte de la souffrance du monde? J'aime mieux diminuer la souffrance que d'en rendre compte. Le ton de votre voix est plein d'humanité. Je n'aime pas le sentiment d'humanité qui est fait de la contemplation de la souffrance. Chaque nuit, Chen, je prierai pour que Dieu vous délivre de l'orgueil. Maintenant, je trouve votre regard que je ne pouvais rencontrer tout à l'heure. Écoutez bien, pasteur. Dans 2 heures, je tuerai. Trouvez-vous toujours mon regard? C'est un atroce mensonge. Un mensonge. Un mensonge, Pasteur Smithson. Vous avez raison. Mais ne priez plus pour moi. Adieu. Bonjour, Pei. Bonjour, Swan. Bonjour, Chen. Vous avez vos bombes? Oui, là, dans nos serviettes. Et des grenades également. Ma serviette aussi fait très honorable. Nous avons un quart d'heure à attendre, n'est-ce pas? Oui, l'auto de Chan arrivera dans l'avenue par cette rue perpendiculaire. Elle ralentira pour tourner. Il faut donc la voir venir. Il y a un magasin d'antiquaires juste en face le débouché de la rue. Je vais entrer dans cette boutique. De là, je verrai l'auto arriver. Et nous, que devrons-nous faire? Il se placera 10 mètres plus loin, à l'endroit où la voiture achèvera de tourner. Il y a un petit bar à cet endroit. Toi, Swan, tu te posteras à 20 mètres de paye. C'est moi qui vous préviendrai en lançant la bombe. Si la voiture ne s'arrête pas, vous lancerez vos bombes quand elle passera à votre hauteur. Si elle s'arrête, vous viendrez vers elle. Compris? Tu peux compter sur nous, Chen. À tout à l'heure. Peut-être. Bonjour, monsieur. Je voudrais voir quelques petits bronzes de fouille. Voilà ce que je peux vous montrer. Et y a-t-il longtemps que vous êtes à Shanghai? Je vivais à l'intérieur. J'en ai été chassé par la guerre. Chen surveille la rue. Il peut voir à 200 mètres. Pendant combien de temps verra-t-il l'auto? Soudain, gêné par le bavardage du marchand, il ne parvient plus à faire de calcul. Là-bas, Peg est assis devant une petite table, dans son bar ouvert. Si calme, si jeune, attendant la mort peut-être. L'auto va bientôt arriver. Non, la rue déserte. Un pouce, deux hommes, un chien. La rue déserte de nouveau. Seul le chien. L'auto dans cette rue peut avancer à 40 à l'heure, plus d'un kilomètre en 2 minutes. Cela fait un peu moins d'une minute à la voir. C'est peu. Comment arrivera-t-elle? Que faudra-t-il faire? Ouvrir la serviette, tirer la bombe, l'acheter, très vite, tirer la bombe, l'acheter, ouvrir, tirer, jeter. Ah, l'auto! L'auto! Allons, au revoir! L'auto! L'auto! Ouvrir, tirer, jeter, vite! Des pièces de jade qu'aiment tout particulièrement les dames japonaises. Regardez! Mais alors, monsieur, je vous assure, c'est une occasion. Allez-vous-en! Allez-vous me payer ce que vous voudrez, prenez-le. Allez-vous-en! L'auto passe! L'auto est passée. Mais laissez-moi attendre! Bonjour, Clapic, vous m'attendiez? Oui, grosse affaire. Expliquez-vous rapidement. Voici, on vient de me donner un petit tuyau dont vous auriez tort de ne pas tenir le plus grand compte. Si nous n'avons pas filé d'ici avant demain soir, nous sommes morts. Chiang Kai-shek ne me pardonne pas d'avoir armé les milices ouvrières. La répression commence. Que pensez-vous faire? Réfléchir d'abord. Pénétrante idée. Et vous avez des sols pour filer? Je n'ai pas l'intention de filer. Pas l'intention de filer. Et vous préférez vous faire zigouiller? Peut-être. Mais vous voulez partir, vous? Et pourquoi resterai-je? Combien vous faut-il? 300, 400... Je tiens à faire quelque chose pour vous. Serez-vous ce soir? Et où vous voudrez? Non. Ben, disons, Black Cat, il faut que je cherche mes petits argents de diverses manières. Ça va, j'y passerai entre 11 et 11 et demi. Mm-hmm. Mais pas plus tard. J'ai ensuite un rendez-vous que je suis bien résolu à ne pas manquer. Je vous attendrai au Black Cat. À bientôt, donc. À bientôt. Non, peut-être. Au revoir, mon bon. Le seul homme de Shanghai qui n'existe pas, pas un mot, qui n'existe absolument pas, vous salue. Le baron Clapic n'existe pas. Qu'est-ce qu'il voulait encore? Ah, c'est toi, mais... Il a appris que je suis visé par la police de Shang. D'autre part, la répression est imminente. Que vas-tu faire? D'abord, mon travail. Ankiwu a donné l'ordre d'enterrer les armes. Il faut que j'aille au comité central. Tu vas quitter la concession internationale? Et là-bas, tu n'es pas à l'abri? Il faut que j'y aille, pourtant. Pourquoi mets-tu ton manteau? Tu sors, où vas-tu? Avec toi, Kyo. Pourquoi faire? Il aurait plus facile de nous reconnaître ensemble que séparés. Pourquoi? Si tu es signalé, c'est la même chose. Écoute, mais... Lorsque ta liberté a été en jeu, je l'ai reconnue. Et tu as su la prendre. Il s'agit maintenant de la mienne. Mais Kyo, quel rapport ça a-t-il? Reconnaître la liberté d'un autre, c'est lui donner raison contre sa propre souffrance. Suis-je un autre? Kyo, alors parce que j'ai... Enfin, à cause de cela, nous ne pouvons plus même être en danger ensemble. Réfléchis bien, Kyo. On dirait presque que tu te venges. La liberté n'est pas un échange. C'est la liberté. C'est un abandon. Pourquoi des êtres qui s'aiment sont-ils en face de la mort si ce n'est pour la risquer ensemble? On ne part pas, attends! Il ne fallait pas me donner cette liberté si elle doit nous séparer maintenant. Disons que j'ai tort, que j'ai eu tort. Ce que tu voudras, mais maintenant, en ce moment, tout de suite, je veux partir avec toi. Je te le demande. Si tu ne m'aimais pas, ça te serait bien égal de me laisser partir avec toi. Alors, pourquoi nous faire souffrir? Comme si c'était le moment. Ne pleure pas. Rouvre les yeux. Ils sont ouverts. J'ai eu l'impression que tu étais morte. Eh bien, moi, si je meurs, je trouve que tu peux mourir. Viens près de moi. Là. Sur ma poitrine. Nous partons. Non. J'irai seul. Kyo, c'est moi, Katov. Qu'y a-t-il? Chen n'est pas là. Non. Tu ne sais absolument pas où il est. Non, pourquoi? Il est arrivé quelque chose? Il y a plusieurs autos de Chiang Kai-shek, vous comprenez? Il y a plusieurs voitures. Chiang ne s'en trouve pas dans toutes, évidemment. Chen ne le sait pas. Ou la police est prévenue, ou elle se méfie. Si Chen n'est pas prévenu, il va se faire pendre ou lancer ses bombes pour rien. Je cours après lui depuis longtemps déjà. Il faut trouver Chen, tout de suite. Le plus sage serait de passer chez Emmerich. Bon, j'y vais. Je le trouverai. Faites attention, 14. Tu as ton cyanure? Oui, toujours sur moi. On peut détruire d'un instant à l'autre, alors tu comprends? Au revoir. Et au revoir. C'est vrai, à tout instant, nous pouvons tous devoir mourir. Elle aussi. Mais, tu peux venir. Je savais que tu m'appellerais. Kyo, je suis prête. Heures et demie du soir, les derniers réverbères vont bientôt s'éteindre. La nuit désolée des rizières et des marais a gagné l'avenue presque abandonnée. Au milieu de l'avenue, un homme, Chen. Pourvu que cet auto ne tarde plus. Les derniers reflets s'accrochent aux rails mouillés, aux isolateurs du télégraphe. Cette nuit de brume est la dernière nuit. Oh, bienheureuse nuit qui me délivre. Les hommes sont la vermine de la terre. Que chacun s'institue responsable et juge de la vie d'un maître. Solitude devant, solitude derrière, au centre celui qui tue en toute connaissance de cause. Je vais mourir, et d'autres comprendront, feront œuvre de mon exemple. La brume au fond des avenues efface lentement les trottoirs. Des ombres vont, coulant sans bruit vers le fleuve, d'un mouvement inexplicable. Pourvu que la voiture ne tarde plus. Aux portes même de la mort. Alors, comme elle fut venue du fond des âges séculaires, la trompe d'une auto commença à retentir. Les phares seuls sortaient de la brume. Retrouver le contrôle de la respiration. Choisir le moment exact. Bien se jeter sous les roues avant, ne pas perdre la tête. Presque aussitôt, précédé de la forte de garde, la voiture entière jaillit de brouillard. Une bête grise, si forte, si puissante. Il faut se jeter à la gueule, ou bien... Il prit la bombe par lance comme une bouteille de lait. L'auto du général était à 5 mètres, énorme. Il courut vers elle avec une joie d'extatique, se jeta dessus, les yeux fermés. Il est 11h15. Depuis 11h dans la nuit de Shanghai, la répression anticommuniste est commencée secrètement. Par un mouvement de troupes spéciales de Chiang Kai-shek, tous les comités communistes sont entourés ou sur le point de l'être. Un peu partout dans les rues noires, on fusille. Soucieux de trouver dès ce soir la somme d'argent nécessaire à sa fuite, le baron de Clapic gagne en taxi une maison de jeu. Il sait qu'à 11h30, Kyo doit l'attendre au Black Cat pour lui remettre quelque argent. Il sait aussi que le jeune homme a l'intention de se rendre ensuite à une réunion communiste. Or, aller ce soir à un comité, c'est aller à la mort. Une chose importe, l'avertir à temps de ce qui se passe. Mais il n'est qu'11h15. J'ai le temps de monter, pense Clapic, et peut-être de gagner. Il a $117 en poche. La voiture s'arrête devant les meubles du cercle. Mais ça fait combien, chauffeur? $1, monsieur. Eh ben, voici deux, mon bon. Cette libéralité destinée à te permettre d'acheter un petit chapeau melon. Alors, messieurs, faites bouger! Faites bouger! Rien ne plie! Hello, Toto! Toto! Par ici, Toto! Ah, bravo! Je suis heureux de me joindre à cette petite fête de famille. Un bon père retrouve ses enfants. Pas un mot, hein, je vous crois sur parole. Cinq! Voir un père! Vous ne jouez pas, cher ouais, ami? Comment donc, belle sirène, mais je suis ici tout exprès. Père ou un père? Ah, pas un mot, hein, vieille prudence. Donnez-moi donc quelques sympathiques petits jetons, là. De combien? De 20. Alors, messieurs, père. Les hommes qui n'étaient pas dans cette salle, autour de cette boule vagabonde, n'existaient pas. N'étaient que des ombres misérables. C'était dans cette salle que le sang affluait à la vie. Ceux qui ne jouaient pas n'étaient pas des hommes. 11h35. Kyo pouvait attendre, Kyo pouvait bien mourir. Rien ne comptait plus que cette main lançant cette boule. Cette boule dont le mouvement allait faiblir était un destin, et d'abord son destin. Il ne luttait pas contre une créature, mais contre une espèce de dieu. Et ce dieu en même temps était lui-même. Et la boule dérisoire repartait. Grâce à elle, Clapic assouvit cet ensemble pour la première fois. Les deux Clapic qui le formaient, celui qui voulait vivre et celui qui voulait être détruit. Pourquoi regarder la montre? Il rejetait Kyo dans un monde de songes. Et cette boule, il la nourrissait non d'un jeu, mais de sa propre vie et de celle d'un autre. Noir. Un père. Ah, gagné. Gagné. Père. Oh, perdu. Un père. Gagné. Père. Perdu. Il sortit à 1h. Le cercle fermait. Il lui restait $24. Où aller? Où pouvoir oublier Kyo et son remords? Dans l'un de ces bouges ou des filles complaisants? Thank you. 11h25, Kyo et May étaient arrivés au Black Cat. Clapic n'était pas là. Ils attendirent dans la fumée, le bruit, la lumière exténuante. Brusquement, une nouvelle se répandit dans le dancing. Oh, Kyo, c'est terrible. Qu'y a-t-il, May? Une bombe a été lancée sur la voiture de Chiang Kai-shek. Il n'était pas dans la voiture. Le meurtrier. On dit qu'il se serait échappé. Souhaitons-le. Mais il est peu probable que Chiang Kai-shek ait été tué. Alors? Alors Chen aurait fait ça pour rien? Nous le serons au comité militaire. Allons-y tout de suite. Et Clapic? Il ne viendra plus, tant pis pour lui. Allons-nous-en, mais je suis en retard. Ils marchèrent un moment, en silence, dans l'épaisseur de la nuit. Impatients tous deux de savoir, douloureux et angoissés, épaule contre épaule, terriblement unis, comme dans la mort. C'est alors qu'on les frappa, par derrière, avec des matraques. Les policiers emmenèrent Kyo dans leur voiture. May fut laissé sur le trottoir, évanoui. Les armes, Katov. J'essaye de comprendre. Que veut l'international? Se servir de l'armée du Kuomintang pour unifier la Chine? Il faut tuer Chiang Kai-shek, tout de suite! Chiang Kai-shek ne nous laissera jamais poursuivre nos propagandes communistes. Il ne peut se maintenir ici qu'en s'appuyant sur la bourgeoisie. Tout ça, c'est parler pour ne rien dire. Fous-nous la paix, Chen! Tu penses pas que tu vas essayer de tuer Chiang Kai-shek sans l'accord du comité central, ou du moins du délégué de l'international à Ankeo? Kyo, tu vas aller à Ankeo? Bien entendu. Tuer Chiang Kai-shek est la seule chose à faire. L'essentiel. Préviens-les. Tu attendras de connaître leur avis. Bon. Qu'est-ce que c'est écrit? Serait-ce des renforts pour le train blindé? Je ne le pense pas, mais... L'armée! Ce sont les nôtres! On les a prévenus que le train blindé est ici. Ceux du train doivent entendre aussi. Oui. Ils savent maintenant qu'ils sont perdus. Le train tire. C'est l'agonie. Tous ces hommes prisonniers de leur blindage et des rails. Et qui vont mourir. L'armée révolutionnaire. C'est la fin. Derrière chaque blindage, un homme du train écoutait ce bruit, comme la voix même de la mort. Prenez ma main, Koenig, celle d'un ami. Ça va? Bon. Je savais que je vous verrais aujourd'hui, Clapic. J'ai été heureux de pouvoir vous être utile à mon tour. Vous êtes redoutable. Je me demande seulement s'il n'y a pas un malentendu. Vous savez que je ne fais pas de politique. Il n'y a pas de malentendu. Vous avez 2 jours pour filer. Enfin, puisque vous voulez bien vous souvenir de moi, permettez-moi de vous demander autre chose. Quoi? Mmh. Est-ce qu'on ne pourrait rien faire pour le jeune Gisor? Vous vous en foutez, je pense, hein, tout ça. Hein? Qu'est-ce qu'il est? Communiste. Important, je crois. Pourquoi est-il communiste, d'abord, celui-là? Qu'un ouvrier soit communiste, c'est déjà idiot. Mais lui? Enfin, quoi? Ça ne se résume pas très facilement. Il dit quelque chose comme... par volonté de dignité. Par dignité? Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord, par dignité? Dites donc, mon petit Toto, vous y croyez, vous, à la dignité? Chez les autres. Ouais. Vous savez ce que les Rouges faisaient aux officiers blancs prisonniers? En Sibérie, j'ai été pris par les Rouges. Ils m'ont giflé à coups de poing en m'appelant mon capitaine jusqu'à ce que je tombe. Écoutez bien, mon petit Toto, J'ai pleuré comme une femme, comme un veau. J'ai pleuré devant eux. Vous comprenez, oui? Restons-en, la personne n'y perdra rien. Mon petit, il vaudrait mieux ne pas trop me parler de dignité. Ma dignité à moi, c'est de tuer des communistes. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, la Chine? La Chine, sans blague. Je suis dans le Kuomintang pour pouvoir en faire tuer. Je ne revis comme autrefois, comme un homme que lorsqu'on tue. Ça vous suffit? Et... Mais dites donc, mon petit Toto, le jeune Gisor, Kyo Gisor, vous parliez de malentendu. Vous voulez toujours savoir pourquoi vous êtes condamné? Je vais vous le dire. C'est bien vous qui avez traité l'affaire des fusils de Changtung. Savez-vous à qui les fusils étaient destinés? Mais on ne pose pas de questions dans ce métier. Mais pas un mot. Aux communistes, si je ne me trompe. C'est votre protégé actuel qui vous a embarqué dans cette affaire. Alors j'ai 48 heures pour filer. Oui. Vous n'insistez pas. Vous avez raison. Au revoir. Le baron Clapic n'existe pas. Faites entrer le détenu Gisor Kyo. Bien. Laissez-nous. Approchez. Une cigarette? Merci. Je ne fume pas. L'ordinaire de la prison est détestable comme il convient. Voulez-vous déjeuner avec moi? On vient justement de m'apporter cette petite collation. Du pain seulement, merci. C'est la même cafetière pour vous et pour moi, vous savez. Allô? Oui. Gisor Kyo. Mais parfaitement, il est chez moi. On demande si vous êtes encore vivant. Pourquoi m'avez-vous fait venir? Je pense que nous allons nous entendre. Qu'en pensez-vous? Rien. Vous tenez à vivre? Ça dépend comment. On peut mourir aussi de diverses façons. Du moins, n'a-t-on pas le choix? Vous croyez qu'on choisit toujours sa façon de vivre? Je ne sais pas. Et vous? On m'a dit que vous êtes communiste par dignité. C'est vrai? Ça vous intéresse réellement? Plus que vous ne pouvez croire. Je pense que le communisme rendra la dignité possible. Pour ceux avec qui je combats, tout ce qui est contre lui, en tout cas, les contraint à n'en pas avoir. À moins que ces hommes ne possèdent une sagesse aussi rare parmi eux que parmi les autres, plus rare peut-être, précisément parce qu'ils sont pauvres et que leur travail les sépare de leur vie. Pourquoi m'avoir posé cette question, puisque vous n'écoutez pas ma réponse? Qu'appelez-vous la dignité? Ça ne veut rien dire. Le contraire de l'humiliation, quand on vient d'où je viens, ça veut dire quelque chose. Où sont cachées les armes? Vous pouvez laisser le téléphone tranquille. J'ai enfin compris. Cette communication est pure mise en scène à mon intention. Vous êtes... Vous verrez bientôt si le téléphone est truqué, mon petit. Les communistes sont écrasés partout. C'est possible. Ils le sont. Réfléchissez bien. Si vous travaillez pour nous, vous êtes sauvés et personne ne le saura. Je vous fais évader. Moi seul, le saurai. Ça suffit. Je n'entrerai pas à votre service. Vous rendez-vous bien compte de ce que vous risquez? J'ai fait la guerre civile. Je sais, les nôtres aussi ont torturé. Il faudra beaucoup de joie aux hommes pour compenser cela. Mais passons. Je ne vous servirai pas. Vous ne vous demandez pas pourquoi je ne vous ai pas encore envoyé ce revolver à travers la figure? Je pense que je suis tout près de la mort. Ça éteint la curiosité. Peut-être viendrai-je vous demander cette nuit ce que vous pensez de la dignité humaine. Emmenez-le au préau. C'est Ria. À eux. l'ancien préau d'une école près de la gare de Tchapeil. Dans cette grande salle aux murs impitoyablement nus, 200 blessés communistes attendent qu'on vienne les achever. Il est 6 heures du soir. La nuit commence à tomber. C'est une gare! Nous sommes tous couchés comme dans une gare! C'est une gare! Nous en partirons pour nulle part! Et voilà! Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, je sais. La faim. Et la soif. La soif. Et l'épouvante. Des nouveaux. On va peut-être savoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, camarade, camarade. Si tu savais, ne fusille pas. Non, ne fusille pas. Ils les foutent tout vivants dans la chaudière de la locomotive. Tout vivant. Et maintenant, ici. Fusille pas. Tout vivant. La chaudière. Dans la chaudière. Il siffle. Tout vivant. Yo. Tout vivant. Yo. Je t'avais pas vu entrer. 14. Toi aussi? Ben oui, tu ne sais pas. La permanence prise d'assaut. Presque tous les camarades tués. Les grenades. Et Melric aussi est tué. Oh. Ça vaut mieux pour lui. Sa boutique venait d'être nettoyée. Sa femme et son fils égorgés, la tête coupée. Oui. Chen aussi est mort. Tous. Oui. Tu sais ce qui nous attend? On a plus soin de m'en avertir. Je m'en fous. J'ai mon cyanure, tu as le tien? Oui. Allez, envoie-en un. Qui? Lui? Toi? Moi? Moi? Non, non, pas moi, pas. Alors, toi? Décidez-vous? Allez, toi! Le remords de mourir. Et mais. Mais. Il faut absolument qu'elle m'oublie. C'est-à-dire qu'elle en aime un autre. Partout, les hommes travaillent dans la peine, dans l'absurdité. Dans l'humiliation, on pense à tous ces condamnés. On commence à aimer ces mourants, comme s'ils étaient déjà des morts. Ce préau d'agonie dans la nuit est l'endroit de la terre le plus lourd d'amour viril. Allez, un autre. Oh. Ah, ça va finir, oui. Allez, tu viens. Allez, hop. Adieu. Adieu. Adieu. Le remords de mourir. Il est beau de mourir de sa mort, d'une mort qui ressemble à sa vie. Mourir est passivité, mais se tuer est acte. Je ne reverrai pas, mais... Qu'est-ce que tu fais? Je prends mon cyanure dans la boucle de ma ceinture. Maintenant? Tout de suite? Oui, quand ils viendront chercher le prochain torturé. Alors j'écraserai ma mort dans ma bouche. Tu penses quoi? Mourir peut être un acte exalté, la suprême expression d'une vie. À quoi cette mort ressemble tant? Je... On ouvre la porte, Kyo. Allez, un autre! Adieu, Kyo. Adieu, camarade. Ce n'étaient pas les découvertes, mais les souffrances des explorateurs que j'enviais, qui m'attiraient. Camarade Kato. Quoi, tu me connais? Oui. J'étais à la permanence. Je m'appelle Swain. Organisation de groupe de combat? Non. Attentat contre Chiang Kai-shek. Avec Chen? Non. Il a voulu lancer sa bombe tout seul. Chang n'était pas dans sa voiture. Moi, j'attendais l'auto beaucoup plus loin. Et j'ai été pris. Et que la bombe... La chaudière, brûlée, être brûlée, vie. Les yeux aussi, les yeux, tu comprends, mais... les yeux. Accident. Mais non, ce n'est pas la même chose. Ah non, c'est moins beau. Je ne veux pas mourir ainsi, non. Les yeux aussi, les yeux brûlés, chacun des doigts, Et le ventre, le ventre. Tais-toi. La condition humaine. La solitude humaine. Oh, pourtant, un homme peut être plus fort que cette solitude. Plus fort même que ce sifflet atroce. Il faut. Et la soigne. Pose ta main sur ma poitrine. Ouais. Prends dès que je la toucherai. Je vais vous donner mon cyanure. Ah. Il y en a absolument pour deux. Oh, mais toi. Allez, allez, prends. Oh, t'es perdu. Tombé. Quoi? C'est pas possible, quand? Avant mon corps, je n'ai pas pu tenir grand soin à la passer. Je suis aussi blessé à la main. Il a fait tomber les deux. Il faut chercher, vraiment, il faut chercher, il faut trouver ça. Même si nous ne trouvons rien. Camarade. Ah, voilà. Tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé, oui. Oui. Je jure que ce ne sont pas des cailloux. Non. Alors donne. C'est bien ça. Pour que le cyanure ne soit pas décomposé. Merci, camarade. Adieu, mes amis. Merci. Fini. Seul. Rien. Sénat ! Allons, emmenez-les ! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il dort si fort ? Et il ne bouge plus ! Mais il est sûrement mort ! Isolez les six prisonniers les plus proches ! Inutile ! C'est moi qui leur ai donné le cyanure. Et vous ? Il y en avait que pour deux. Bien, machot ! Dès que je serai dehors, je vais essayer d'en étrangler un. Je ne lâcherai quand ils m'auront tué. Ils me brûleront, mais mort. Attachez les mains du condamné. Un bruit de respiration profonde, le même que celui du sommeil, commença à monter du sol. Respirant par le nez, les mâchoires collées par l'angoisse, immobiles maintenant, tous ceux qui n'étaient pas encore morts attendaient le sifflet. Au mois de juillet suivant, à Paris, dans le cabinet du ministre des Finances, où sont rassemblés autour du ministre le directeur adjoint du mouvement général des fonds, le représentant de la Banque de France, ceux de différents établissements de crédit et le président de la Chambre du commerce de Shanghai, Ferral. Vous savez, messieurs, pourquoi je vous ai convoqué. Je laisse à monsieur Ferral le soin de vous résumer la question et de vous présenter son point de vue. Monsieur le ministre, messieurs, il est d'usage dans un entretien comme celui-ci de présenter des bilans optimistes. Je ne tomberai pas dans ce travers facile. Je désire attirer votre attention sur deux points. Le premier est que le consortium représente la seule œuvre française de cet ordre en Extrême-Orient. Même déficitaire, même à la veille de la faillite, sa structure demeurerait intacte. Or, la révolution chinoise ne sera pas éternelle. Second point, j'ai participé de la façon la plus efficace à la prise du pouvoir par le général Chiang Kai-shek. Il est dès maintenant acquis que la part de la construction des chemins de fer chinois promis à la France par les traités sera confiée au consortium. C'est sur cet élément que je vous demande de vous fonder pour accorder au consortium l'aide qu'il sollicite. La chute d'organismes aussi importants que la Banque industrielle de Chine, que le consortium ne peut être que fâcheuse pour tous. Certes, mais Chiang Kai-shek peut être tué ou battu. Si le bolchevisme renaît, l'empereur ne sera pas émis. Je ne crois pas que Chiang se maintienne au pouvoir. Les communistes sont écrasés partout. Et les communistes sans doute, mais non le communisme. La Chine ne redeviendra jamais ce qu'elle était. Mon avis est que Chiang sera encore au pouvoir dans 10 ans. Messieurs, nous l'y aiderons. C'est l'intérêt du gouvernement français. C'est pour les nôtres que je combats, pas pour moi. J'aime mieux diminuer la souffrance des hommes que d'en rendre compte. Ce n'est pas pour quelqu'un qu'on va au bagne, mais pour l'idée qu'on a de la vie, de soi-même. Je pense que le communisme rendra la dignité possible pour ceux avec qui je combats. Je vais vous donner mon cyanure. Il n'y en a absolument que pour deux. Il est beau de mourir d'une mort qui ressemble à sa vie. Pour que les hommes soient heureux et libres. Messieurs, l'épargne sera protégée jusqu'à 58 milliards. Voyons donc ensemble, messieurs, si vous le voulez bien, comment le consortium cessera d'exister. Cependant, de l'autre côté de la terre, à Kobe, en Chine, le vieux Gisor et la jeune Mei avaient une dernière entrevue. Avez-vous reçu mes lettres, Gisor ? Oui. Dépêchons-nous. Le bateau repart dans 2 heures. Je ne partirai pas, Mei. Ah. Et vous, qu'allez-vous faire ? Essayez de servir dans les sections d'agitation. C'est presque arrangé. Je serai à Vladivostok après-demain. Et je partirai aussitôt pour Moscou. Presque tous ceux qui ont pu fuir Shanghai sont là-bas. Ils nous y attendent. Et vous ? Votre nomination de professeur à Moscou ne vous a donc pas apporté de la joie. Pourquoi refuser ? Pour vous comme pour moi, servir la cause, c'est encore une façon de venger Kyo. On ne se venge pas à mon âge. Mais des groupes clandestins se reforment dans toutes les provinces. Les nôtres n'oublieront plus qu'ils souffrent à cause d'autres hommes. Vous disiez un jour que ceux qui ont donné conscience de leur révolte à 300 millions de misérables n'étaient pas des ombres comme les hommes qui passent. Même battus, même suppliciés, même morts, ils demeuraient réels. Ils sont morts maintenant. Je le pense toujours, mais c'est autre chose. C'était Kyo qui me rattachait aux hommes. C'était par lui qu'ils existaient pour moi. Depuis que Kyo est mort, il m'est indifférent de mourir. Je suis à la fois délivré de la mort et de la vie. Qu'irais-je faire à Moscou ? Changer à nouveau, peut-être. Je n'ai pas d'autre fils à perdre. Pour moi, c'est dans le travail à pointe de guerre, déchaîné sur toute la terre russe, dans la volonté d'une multitude pour qui ce travail s'est fait vie, que sont réfugiés mes morts. Tout homme est fou. Mais qu'est une destinée humaine, sinon une vie d'effort pour unir ce fou et l'univers? Tout homme rêve d'être Dieu. Je ne vous comprends plus, Gisor. Nous sommes à des distances infinies l'un de l'autre. Qui sait? N'avez-vous aucun désir d'un enfant? Vous connaissez la phrase, il faut 9 mois pour faire un homme et 1 seul jour pour le tuer. Écoutez, mais il ne faut pas 9 mois, il faut 50 ans pour faire un homme, 50 ans de sacrifice, de volonté, de tant de choses. Et quand cet homme est fait, quand il n'a plus rien en lui de l'enfance ni de l'adolescence, quand vraiment il est un homme, il n'est plus bon qu'à mourir. Écoutez-moi, il faut aimer les vivants et non les morts. Je ne vais pas à Moscou pour aimer. Sur le chemin de la vengeance, ma petite May, on rencontre la vie. Ce n'est pas une raison pour l'appeler. Je vais partir. Adieu, May. Laissez-moi prendre votre tête dans mes mains et vous embrasser comme faisait Kyo. Il m'a manqué atrocement. Plus que n'importe quelle chose. Mais je l'ai retrouvé dans ma haine et dans mon espoir. Dans le cadre de l'émission Le livre que vous avez aimé, une production d'André Certes, c'était La condition humaine, d'après le roman d'André Malraux, édition Gallimard, prix Goncourt 1933. Adaptation radiophonique Luc Decaune, avec Alain Cuny, Kyo, Jean Villard, Chem, Marcel Errand, Clapic, Jean Did, Gisor, Hubert Prélier, Martial, Frédéric Serrap, Ferral, Albert Gercourt, le pasteur, Jean Clarins, Koenig, Léon Harvel, le mandarin, Maurice Delery, Bologhine, Jean-Pierre Martin, Liou, Charles Camus, le comte, Jean Mercury, Sven, Jacques Seignet, Pays, Marcel Pérez, l'officier, Paul Dallet, le garçon. Et Lucienne Lemarchand dans le rôle de May. Avec également Germaine Delba, Martine Audrin, Jacqueline Rambeau, Mariette Linder. Récitant Jean-Claude Hiss, récitante Jacqueline Morave. Harry Krimer dans le rôle de Katov. Prise de son André Papiot, assisté de Lucien Jouan. Bruitage d'Arville, Régie Gallet. Les thèmes musicaux Louis Aubert. Mise en scène radiophonique André Gilles. Première diffusion sur la chaîne nationale le 16 mars 1947. Vous pourrez réécouter cette dramatique en ligne ou la télécharger durant 1 an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.